J'ai un problème de robinet, équation à deux inconnus. Pour partager, comment je ferai? Ma question n'est pas incongrue. Je suis inapte à diviser, c'est pas dans mes capacités. C'est un problème de retenue devant les filles en petite tenue. À chaque amour, un problème. Moi j'ai un double problème. D'une manière générale, je décime les décimales, car je suis un cancre en calcul, je suis un vireur de virgule. Je suis bon dans la soustraction, je me soustrais aux obligations, y'a qu'à me voir au restaurant quand il faut régler en partant. À chaque amour un problème, moi j'ai un double problème. Je plie mais ne multiplie pas, je ne veux pas être un papa. Et s'il faut que je me fiance, ce sera sans moi pour les finances. L'algèbre me sort par les narines, qui compte sur moi court à sa ruine. Les maths me sortent par les sinus, je prends la tangente devant cosinus. À chaque amour un problème, moi j'ai un double problème. Moi les maths c'est trop complexe, surtout quand ça s'applique au sexe. Et la géométrie des fesses, c'est la plus belle que je connaisse. Les courbes qui tendent vers l'infini ont l'heure de plaire à mon esprit. Diamètre et puis circonférence, je suis passé maître en conférence. À chaque amour un problème, moi j'ai un double problème. Qu'on ne me parle pas de pi, de Pythagore ou encore pi, des théorèmes de Thalès, t'as l'esprit vraiment mal placé. Équation 1, 2 inconnues, l'une est en x, l'autre en y, avec laquelle vais-je faire du x, laquelle vais renvoyer chez les grecs. À chaque amour un problème, moi j'ai un double problème. L'équation n'est pas résolue, je verrai bien quand elles seront nues. Et mon problème de robinet, je sais comment je le réglerai.